ton regard divin. Se pose sur nos vies, ta sagesse infinie. Nous conduise vers demain. C'est là ma prière. Vers toi, tendre Père. Montre-nous la voie. Garde-nous en toi, par ta grâce guide nos pas. Que ta lumière brille, que ta lumière brille, illumine nos vies. Illumine nos vies comme les étoiles scintillent, comme les étoiles scintillent au milieu de la nuit, au milieu de la nuit. C'est là ma prière, c'est là ma prière. Vers toi, tendre Père, vers toi, tendre. Montre-nous la voie. Oh. Garde-nous en toi. Garde-nous en toi. Par ta grâce guide nos pas. Un monde où ne seront plus, où les cœurs brisés retrouvent l'espoir perdu. Et dans nos mains, seul ton amour pour nous brillera comme un feu qui ne ta grâce guide nos pas.